Richard, un match très spectaculaire. As-tu encore des nerfs? Ah, c'était spectaculaire, puis on s'est compliqué un petit peu la vie parce que l'avantage numérique n'a pas clutché quand c'était le temps. Mais tu sais, les joueurs voulaient bien faire, il fallait être patient. Alexandre Lavoie a tombé en cours de route. Lacasse, on pensait pas qu'elle allait revenir. Là. Il y avait eu quelque chose dans le haut du corps. Là, ça fait qu'on n'était pas sûr qu'elle allait revenir, ils ne pouvaient plus prendre de mise au jeu. Mais il reste que les joueurs n'ont jamais lâché. À la fin, j'avais trois lignes plus l'évêque. Puis on a surutilisé les défenseurs. Avec le paquet d'avantages numériques, il y avait l'élément fatigue aussi. Nicolas Therrien a joué 30 minutes. Le jeune Poulain, à 16 ans, avait beaucoup, beaucoup de glace. J'ai envoyé de temps en temps Charles Hudon. Puis Charles, il va apprendre. C'est de l'expérience pour lui. Alors, c'était le matériel que j'avais, mais il reste que normalement, là, avec le paquet d'avantages numériques, on se doit de finir ce match-là. Deuxième des choses, on s'est parlé entre la 2 et la 3. Puis les joueurs ont quand même bien fait hier contre Bécomo. Puis j'ai dit aux gars, faut tout donner parce que ça nous prend une fin de semaine de deux victoires. Puis il nous reste 20 minutes à travailler. Puis je pense qu'ils ont travaillé très fort. Ils n'ont pas lâché. On a attendu comme il faut avant d'enlever notre gardien parce que je pouvais pas l'enlever trop vite. J'avais la ligne des jeunes qui finissaient leur chiffre. J'étais en avantage numérique. J'attendais juste de placer Asselet et Gimbal. Puis c'était Emmerich Guillemette que j'ai envoyé comme sixième attaquant. Donc, parce qu'il était Emmerich, c'est un gars extrêmement dangereux pour les rebonds. Puis ce soir encore, il nous donne un but extrêmement important. Puis je suis heureux pour nous autres, mais je suis heureux pour la gang de cette victoire-là, mais je suis heureux surtout pour les joueurs, parce qu'ils ont travaillé vraiment fort, puis Billy Lacasse a joué beaucoup. Ils ont eu beaucoup de lasse, puis j'avais trois lignes. Je suis vraiment content là, du résultat final, surtout pour eux, parce que là, ils vont pouvoir relaxer, puis ils vont voir qu'avec un but derrière, si tu lâches pas, maintenant, ils viennent d'accomplir de quoi, là? On se fait compter en avantage numérique. Les autres étaient à 4, on était à 5, on se fait compter un but. C'est assez. Puis on n'est pas vieux, on n'a pas beaucoup d'expérience. Alors, puis on n'a jamais lâché jusqu'à la dernière seconde. Puis dans tout ça, il y a des joueurs qui ont joué tout cas des matchs. T'sais, Billy Lacasse a joué tout un match, Asselin Régimbal. Je te dirais que Therrien a été extraordinaire. Là. Je ne débarquais plus. Alors, il y a une très bonne fin de semaine. Nicolas, le capitaine, là, je peux te dire qu'en fin de semaine, il s'est dressé sans la présence de Gélina. Alors, c'est comme ça. S'il y a d'autres questions. Lorsque je m'en venais dans les estrades tout à l'heure, il y avait trois noms sur toutes les lèvres. Tout le monde ne parlait que d'Asselin, de Lacasse et de Régimbal. Mm. La chimie entre les trois, c'est beau à voir ça à l'as. Bien, tu sais, ils ont du plaisir, ils essaient des choses, puis ils deviennent de plus en plus confortables. Alors, c'est pour ça que quand... T'sais, j'ai pensé quand Alexandre Lavoie est parti de rentrer des recrues sur chaque ligne, mais ça me coûtait de laisser tomber Régimbal, Asselin puis Lacasse, parce que c'était mon punch ce soir. Alors je me suis arrangé autrement, puis on a réussi à ramasser ça, c'est comme ça. On a senti, lorsque Lavoie est tombé au combat, l'avantage numérique, tu le mentionnais, en entrée de jeu, ouais. Il manquait beaucoup sur la surface ouais. de la à la toute fin du match. En tout cas, ouais. Lavoie reconstitue une munition. Bien, c'est sûr, hein, il manquait beaucoup. C'est certain qu'il aurait joué à pointe en haut. Puis, mais dès la première période, première ou deuxième, il m'a dit qu'il n'était plus en mesure de continuer. Alors, il faut respecter ça, c'est la vie. Je pense qu'on a resté calme là, en troisième période, tout le monde. Puis, on s'encourageait, puis... Il reste que je pouvais pas, honnêtement, je pouvais pas demander plus à mes joueurs. Puis l'avantage numérique, si on n'a pas réglé ça de bonne heure, si tu veux, les lancers ont passé à côté, passé proche. Hein. Il y a des fois qu'on aurait pu se faire jouer le tour, mais on l'a fait. Somme toute, c'est une performance très satisfaisante. 4 points dans les deux premiers matchs à la maison. Puis on met la donne la semaine prochaine. Même chose, 2 matchs en 2 soirs, vendredi, samedi prochain. Oui, mais tu sais, c'est plus intéressant. On recommence à travailler lundi. Les gars vont être motivés encore plus. Alors, tout est bon. Hein? Richard, merci beaucoup. Oui, merci.